Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire André Mathieu, une vie en décrescendo. Je n'ai pas connu l'enfance. Je ne peux pas dire que j'ai connu comme les petits garçons qui jouaient, tout ça. J'ai eu quelques périodes. Mais pour dire que j'ai connu l'enfance, je ne l'ai pas connu. André Mathieu, au micro d'Andréanne Lafont à l'émission Présent le 2 février 1968, quelques mois seulement avant sa mort, le 2 juin 1968. L'enfance d'André Mathieu n'a en effet rien de typique. Cet enfant prodige, comme on l'a souvent surnommé, compose sa première musique à l'âge de 4 ans. À 6 ans, il donne un concert au Ritz-Carlton de Montréal. À 7 ans, il joue à la salle Playel à Paris. Et à 10 ans, il se retrouve sur la scène du Carnegie Hall à New York. Mais ses débuts, plus que prometteurs, seront bientôt suivis d'une longue descente aux enfers. À quel âge vous avez donné votre premier concert? À 4 ans, au Ritz-Carlton. Et là, je suis retourné sur les lieux de mes débuts, jeudi dernier. Oui, mais André Mathieu, quand on donne un concert à 4 ans, ce sont tout de même les adultes qui décident. Est-ce que ce sont vos parents qui ont décidé de vous lancer dans une vie publique? Non, parce que mon père disait toujours, c'est ma mère qui a... Mais ma mère et moi aussi. Parce que mon père disait toujours... Il y a assez de musiciens dans la famille. Est-ce que ça vous a gêné d'être un enfant prodige? Est-ce que ça gêne l'adulte? Mais c'est-à-dire, je vais vous dire une chose, Andréane. J'ai cessé d'être enfant, mais je n'ai pas cessé. Oh non, là, je vais me vanter. Faut pas que je le dise. Je pense que les auditeurs auront compris. Vous voulez dire que vous n'avez pas cessé d'être un génie? Bien, génie, c'est un grand mot. Sur le deuxième mouvement du deuxième concertino d'André Mathieu, vous entendiez André Mathieu au micro d'Andréanne Lafont en février 1968. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre aussi d'André Mathieu, je reçois le pianiste et compositeur Alain Lefebvre. C'est lui qui est très largement à l'origine de la redécouverte de la musique d'André Mathieu depuis de nombreuses années déjà. Et c'est lui que vous venez d'entendre et que vous allez entendre d'ailleurs tout au cours de l'émission interpréter la musique d'André Mathieu. Alain Lefebvre, bonjour. Bonjour Jacques. Alors Alain Lefebvre, parlons d'abord de la musique d'André Mathieu, cette musique à laquelle vous êtes si attaché. Pourquoi aimez-vous tant cette musique? C'est une grande question. J'essaierai de faire une réponse courte. Il y a d'abord, avant tout, la beauté constante du thème, le romantisme qui est très spécial. C'est un romantisme qui appartient au peuple de chez nous. C'est un romantisme québécois. C'est une invention constante, puisque dans la musique d'André Mathieu, il y a constamment cette espèce d'appel des paysages dont André Mathieu était fou. Et il y aurait bien d'autres raisons, mais ce serait trop long comme réponse. Oui, donc un certain lyrisme, certainement. Un mot sur ses détracteurs, parce qu'il y en a, Alain Lefebvre. Des gens qui disent, ouais, André Mathieu, on l'avait un peu oublié, puis au fond, sa musique, c'est pas si génial. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oh mon Dieu. Ça, c'est presque 40 ans de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Je n'ai jamais voulu persuader qui que ce soit qu'André Mathieu était le plus grand compositeur de tous les temps ou que son œuvre était la plus importante. Simplement, pour moi, André Mathieu, c'est un chaînon très important de l'histoire du Québec. Un chaînon très important puisque André Mathieu exprime la voix d'un peuple. Il est quand même l'un des premiers et je n'arriverai pas à comprendre pourquoi, par exemple, l'histoire de la musique au Québec commencerait soit avec la musique contemporaine que j'aime et que j'ai défendue, ou alors qu'elle commencerait avec la Bolduc. Alors, ce qui est incompréhensible dans, je vous dirais, l'acharnement anti-Mathieu spécifiquement au Québec, c'est pourquoi. La seule réponse que j'ai pu trouver, c'est-à-dire, c'est l'impossibilité que nous avons en tant que société d'accepter que nous ayons pu être les propriétaires quelque part d'un génie tel qu'André Mathieu. André Mathieu fait partie de votre vie à la Lefèvre, vous accompagne dans votre parcours professionnel depuis de nombreuses années, je le disais il y a un instant. Le Concerto de Québec, dont on vient d'entendre un extrait du deuxième mouvement, c'est la première pièce de Mathieu que vous avez enregistrée sur disque. Racontez-moi comment se passe cette rencontre entre vous et lui, quand et dans quelles circonstances apparaît André Mathieu dans votre vie? Bien, vous voyez, Jacques, là, ça va être un peu, si vous voulez, je vais me trahir. J'ai une allergie extraordinaire contre l'injustice. L'injustice est la chose qui me fait le plus réagir et là où je suis probablement le moins intelligent. J'ai 14 ans, je me promène dans le collège Marguerite Bourgeois qui s'appelait l'école normale à l'époque, donc collège des sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Et je suis un gosse qui fait du piano et tout d'un coup j'entends dans un studio une musique qui me chavire de beauté. Je rentre dans ce studio-là, je ne dirai pas qui était dans le studio, j'essaye d'être discret, et je dis à la personne, à la pianiste qui joue, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Et la personne me répond simplement, oh, c'est un Canadien français, c'est un alcoolique. Et ça a été le déclencheur, et bizarrement, ça a été le déclencheur parce que j'ai toujours été passionné d'histoire, puisque je n'ai pas malheureusement pu aller à l'école comme j'aurais voulu. Et je me suis posé la question suivante. Est-ce que quand on parle de Moussorgski aux Russes, Moussorgski qui était à ce point alcoolique qu'il faisait fondre le cirage à chaussures pour en boire la térébenthine, est-ce que quand on parle de Moussorgski aux Russes, les Russes nous répondent « c'était un alcoolique ». Jamais. Mais nous, en tant que peuple, on a à ce point peu de confiance en nous que la seule chose qu'on puisse dire, c'était que c'était un alcoolique. Alors, ça a déclenché en moi, si vous voulez, une machine, parce que, bon, petit, j'étais moi-même victime d'injustice, et je me suis retrouvé donc étudiant au Conservatoire de Paris, et la première émission de radio que j'ai faite à l'âge de 17 ans avec François Serrette sur Radio France, la première chose dont j'ai parlé, c'est d'André Mathieu, et j'ai joué le prélude romantique que j'avais entendu à l'âge de 14 ans. Et c'était parti. Et ça n'a jamais arrêté. Et le Concerto de Québec, bah écoutez, moi j'ai toujours cru qu'il fallait être capable de dire merci parce que c'est le plus important. Le Concerto de Québec, c'est grâce à Mario Labbé d'Analecta, parce qu'à l'époque, Analecta avait déjà eu cet enregistrement de Philippe Entremont. J'ai dit à Mario, j'ai dit, moi je veux jouer ce concerto. Et il a même pas, il a dit, Alain, on le fait, c'est tout. Alors, à partir de ce moment-là, à partir de ce premier disque chez Analecta, je vous dirais que ça n'a jamais arrêté. Et maintenant, au moment où je vous parle, j'ai joué André Mathieu, je le dis modestement, j'aime pas parler comme ça, mais dans plus de 40 pays et dans plus de 300 villes. Et voilà. Et puis au-delà de la musique, bien sûr, il y a cette vie, on l'a un peu évoqué, une vie qui vaut le détour, un parcours complètement fascinant. Il est enfant prodige, on y reviendra dans un instant, mais vraiment une enfance exceptionnelle, hors du commun. Et puis cette lente chute, cette lente descente aux enfers, cette vie-là, elle est très riche. Et c'est pas un hasard d'ailleurs que Luc Dionne en ait fait un film en 2010, le film L'enfant prodige, film auquel vous avez participé comme pianiste, Alain Lefèvre. On écoute tout de suite un extrait du film, puis on revient parler de ce drame que sera aussi la vie d'André Mathieu. Monsieur Mathieu, vous êtes le plus grand pianiste que j'ai jamais entendu. Et croyez-moi, je les ai tous entendus. Le concerto, vous en pensez quoi ? Votre virtuosité, c'est extraordinaire, unique. Vous pouvez certainement devenir le plus grand pianiste de votre temps. Ce qui m'intéresse, ce sont mes compositions. Jouer du piano, n'importe qui peut faire ça. Alors, parlez-moi du drame d'André Mathieu, Alain Lefebvre. On imagine à quel point il a dû souffrir de passer à l'oubli après avoir vraiment été un enfant prodige de la musique, reconnu partout dans le monde. Et puis, on l'entend dans cet extrait où il se rebiffe devant les compliments que lui fait Arthur Honegger à Paris. Il y a aussi pour lui, j'imagine, cette déception immense de voir reconnu surtout sa virtuosité comme interprète, alors que ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse ses qualités de compositeur. Parliez d'injustice tout à l'heure. Est-ce que c'est ça, ce côté dramatique, cette déception profonde qu'il aura de ne pas voir son œuvre reconnue, son œuvre de compositeur, qui vous a aussi donné envie de faire connaître sa musique? Écoutez, il y a un concours de circonstances. Si vous voulez, je vais faire un retour en arrière. À l'époque, on a Rachmaninoff. Rachmaninoff, aujourd'hui, qui est un des compositeurs les plus joués à travers la planète, a encore des gens acerbes qui vont dire que sa musique est facile et que ce n'est pas de la grande musique. André Mathieu, à l'époque où lui compose de manière extrêmement romantique, André Mathieu, même cet extrait avec Honegger, André Mathieu arrive au mauvais moment, puisqu'à cette époque-là, c'est le refus global, c'est la modernité en musique, c'est la volonté d'effacer tout ce qui existait avant, et en écriture, et en peinture, et en architecture. Et André Mathieu, qui a quand même, entre vous et moi, un mauvais caractère, se retrouve, lui, à faire cette musique qui est profondément romantique. Et même Honegger, les compositions d'Honegger, si vous voulez, je pourrais les jouer aujourd'hui, entre vous et moi, à Paris, à Londres, à Berlin, ben, elles auraient moins de succès que les compositions de Mathieu. Parce que Mathieu, quand je l'ai joué à Berlin, quand je l'ai joué à Shanghai, quand je l'ai joué à Beijing, quand je l'ai joué à Paris, quand je l'ai joué à Londres, n'importe quel public est tombé systématiquement et automatiquement amoureux, parce que c'est la musique d'un ami. Alors, Mathieu a été victime de cette chose. Il a été victime de ce qu'on pourrait appeler vulgairement un mauvais timing. Il est arrivé, si vous voulez, à l'époque où cette musique ne pouvait plus être faite. Et moi, je vous le dis, je ne fais aucune politique, mais je suis profondément patriote, puisque je suis, moi, né en France et que le Québec m'a tout donné, et que la terre du Québec, c'est ma terre, et qu'elle me fait encore pleurer aujourd'hui quand je vois les souffrances. Ce que j'essaye simplement de dire de manière logique, c'est que nous avons le droit, nous, en tant que peuple, de reconnaître notre histoire, de connaître notre histoire et d'être capable d'admirer ceux qui ont fait notre histoire. Oui. C'est tout. Oui. On va revenir sur quand même sur cette triste fin de vie qu'il aura dans un instant, mais un tout petit mot quand même tout de suite pour rappeler qui il a été, jeune, la carrière qu'il a eue, qui est vraiment exceptionnelle, l'enfant prodige qu'il a été. À quoi ça ressemble cette enfance d'André Mathieu, Alain Lefebvre? Ben écoutez, c'est fascinant parce que quand à 4 ans, on compose une pièce qui s'appelle « Dans la nuit », et qu'à 4 ans, cette pièce qui est composée à cette espèce de drame musical de la ligne, c'est uniquement pour cela que les gens ont fait les comparaisons et ont dit, Noël Strauss entre autres, qu'André Mathieu, au même âge, était plus génial que Mozart. Parce que Mozart, à cet âge-là, composait comme un enfant, et André Mathieu, la manière dont il composait, même aujourd'hui encore, c'est inexplicable. Et puis ça va se poursuivre, je le disais au tout début de l'émission, mais donc cette composition à 4 ans, puis la tournée des plus grandes salles du monde, la salle Playel à Paris, il s'installe à New York, il vivra à Paris aussi, le Carnegie Hall, vraiment une carrière fulgurante. Un retour à Montréal dans les années 50, et on y revient, le début de ce déclin-là, on a évoqué ses problèmes d'alcool, mais ça va le pousser par exemple à participer à des pianotons, ce qui sera très très mal reçu dans le milieu de la musique musique classique, de la grande musique classique. Un mot quand même sur... ça a dû être très difficile pour lui sur ces années-là. Ça a été difficile et on a beaucoup critiqué son pianoton, on a critiqué André Mathieu. Mais pourquoi on l'a critiqué? Parce qu'on ne l'a pas aidé. Si André Mathieu avait été ce même enfant aux États-Unis ou il aurait été n'importe où ailleurs, on l'aurait soutenu. Mais chez nous, au Québec, qu'est-ce qu'on faisait quand il y avait quelqu'un qui sortait la tête du lot? Ben, on lui coupait la tête. Alors le pauvre, c'est sûr qu'il a fait un pianoton, c'est sûr même qu'il en a fait plus qu'un, mais il le faisait pour survivre. Faut se mettre aussi dans le contexte, dans ce contexte où finalement, il y avait malheureusement une petite clique, une coterie, qui voulait absolument la tête d'André Mathieu. Et ça, personne n'ose le dire, moi je m'en fous. André Mathieu n'a jamais été aidé. Je vais vous raconter une très très simple histoire, très très courte. J'ai eu la chance de jouer donc avec Christian Ferras, grand violoniste français, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Isaac Stern. Les deux avaient d'énormes problèmes d'alcool, énormes. Quand Ferras a essayé d'arrêter de boire, ses collègues violonistes français faisaient exprès de mettre des bouteilles de son whisky préféré dans sa loge. Quand Isaac Stern a arrêté de boire, la communauté israélite à travers le monde le soutenait dans chaque ville pour qu'il ne boive plus. Ouais. Ça explique quelle est la mentalité que nous avions au Québec. André Mathieu aurait pu être aidé et il n'a pas été. Alors, c'est pour ça qu'il est devenu, quelque part, une forme de martyr. Et c'est comme si vous lisiez dans mes pensées, parce que je vous propose tout de suite d'écouter un autre extrait du film de Luc Dion qui nous montre un petit peu, peut-être, ce désengagement de ceux qui auraient pu faire une différence dans la carrière d'André Mathieu. Je vous ramène à 1967, le maire de Montréal, Jean Drapeau, a cette idée de créer avec l'OSM la Rhapsodie pour piano et orchestre, la Rhapsodie romantique, projet qui aurait donc pu marquer le grand retour sur scène d'André Mathieu. Mais Wilfrid Pelletier, qui dirige l'OSM à ce moment-là, aurait refusé d'embarquer dans ce projet-là. On écoute à nouveau, justement, un extrait du film de Luc Dion, L'enfant prodige. Il n'est absolument pas question. Monsieur Pelletier, c'est quand même le maire de Montréal qui a exigé qu'André puisse faire avec vous. Excusez-moi de vous interrompre, mais on n'a jamais vu la partition d'orchestre de la Rhapsodie. La voilà. On l'a jamais entendu. Je vous en prie, Monsieur Pelletier. S'il vous reste un minimum de respect pour André, donnez-lui sa chance. C'est votre orchestre. Sa chance, Madame Lebel. Il y en a eu un millier de chances, Madame Lebel. André Mathieu est devenu un vulgaire amuseur de foule. Un petit pianoteux exhibitionniste et qui est responsable de ses propres malheurs. André Mathieu est mort. Il est mort le soir de son pianoton. On y revient, Alain Lefebvre, c'est fascinant. C'est très fort ce qu'on vient d'entendre. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été dramatisé, cette séquence-là, pour le film de Luc Dion, mais qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on vient d'entendre, cet épisode-là, sur le sort, sur le rejet qu'a vécu André Mathieu? Je vais essayer de répondre calmement et essayer d'enlever la passion qui m'anime. Écoutez, si ce cher Wilfrid Pelletier avait vu, ça fait quelques années... ce pianiste chinois Lang Lang jouait le vol du bourdon sur son iPad et avoir une ovation debout à San Francisco, qu'est-ce qu'il aurait dit, hein? Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il dise? Je pense que la scène du Luc Dion est à peine dramatisée. Je pense que je ne pourrais pas vous parler trop de Wilfrid Pelletier puisqu'il y a non seulement la fondation Wilfrid Pelletier, mais il y a en plus il y a la salle Wilfrid Pelletier. Mais simplement vous dire que André Mathieu, il n'y a personne qui a voulu l'aider, personne qui l'a aidé. Et ce qui a été fait à André Mathieu, Jacques, c'est une honte. Ouais. Et cette honte perdure, dans le sens que nos compositeurs aujourd'hui vivants ne sont pas aidés, ne sont pas joués. Nous avons un énorme problème à ce niveau-là. Et moi, le peu que j'ai fait pour André Mathieu, Je l'ai fait aussi pour d'autres compositeurs. Enfin, c'est pas important. C'est que j'essaye de faire comprendre aux gens que l'histoire d'un peuple commence par sa culture. Hein. Elle commence pas par ses émissions de télé et par ses talk shows. Ça commence par la culture. Oui. Et ça, on a un problème avec ça. On l'oublie très facilement. Et cet épisode du refus de Wilfrid Pelletier, c'est, je le rappelle, 1967, l'épisode, l'extrait qu'on vient d'entendre. En 68, l'année suivante, il n'a que 39 ans, André Mathieu meurt. Vous dites, j'ai fait un effort modeste, mais quand même, on l'a probablement, certainement un peu réhabilité quand même, André Mathieu, depuis quelques années au Québec, grâce à vous, entre autres. Où en est aujourd'hui, puis on termine là-dessus, Alain Lefebvre, où en est le Québec avec André Mathieu? Écoutez, je vais vous terminer par une petite anecdote de quelques secondes. Il y a un organisme que je ne peux nommer qui a reçu une proposition d'une personne très riche qui allait mourir pour faire vivre l'œuvre d'André Mathieu à condition que les pianistes se présentant à ce concours jouent une œuvre de Mathieu. La direction de cette entité a refusé la bourse parce qu'elle considère que la musique d'André Mathieu ne vaut pas la peine. Alors en pleine pandémie, en plein drame artistique, en plein drame pour les artistes, quand on voit qu'il y a des gens qui ont le courage, dans le sens inverse, de refuser de l'argent parce que la musique d'André Mathieu, ça ne vaut pas la peine, alors qu'André Mathieu est le compositeur québécois qui a été le plus vendu au niveau des CD à travers le monde, et je le dis modestement, ça vous dit, Jacques, le travail qui nous reste à faire. Aujourd'hui encore, à chaque fois que je le propose, il faut des partitions, il faut... Tout est une lutte, tout est une bataille. Et moi, ben écoutez, des fois, je suis fatigué. En tout cas, Alain Lefebvre, merci d'être sorti de votre fatigue, d'avoir accepté de nous en parler, de le faire revivre et de faire revivre sa musique à André Mathieu. Alain Lefebvre, pianiste, ardent promoteur de la musique d'André Mathieu, qui a enregistré, je le rappelle, de nombreux disques consacrés à la musique d'André Mathieu. Merci beaucoup, Alain. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.